Bertrand Tatinard, comment est-ce que vous vous comprenez cette sortie de ce général nigérien qui semble trouver les succès de la guerre contre le terrorisme sur le terrain que qu'à travers le communiqué? Faut d'abord donner le nom de ce monsieur. Vous ne voulez pas donner son nom. Vous le couvrez? Non, c'est pas Non, moi notre je ne l'ai pas donné le Bertrand. c'est pas notre intention, Bertrand. Non, Je vous ai non, posé une question, on n'a pas donné. Il s'agit du général Mamadou Tarka Di Abou. Parce qu'un jour il va faire un coup C'est d'État le et ça va général être la Mamadou vice-présidente Tarka Di du Abou. Niger. Un, il va se féliciter de l'excellence de la coopération entre son pays et les chancelleries européennes. Voilà. Et il va plus loin. Il prédit. Monsieur serait une sorte d'ayatollah, c'est-à-dire même d'imam. Il prédit un réveil douloureux au Burkina Faso et au Mali, qui se sont détournés de certains partenaires dans la lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire de la France. Voilà les éternelle. déclarations du général lors de sa sortie publique le 24 avril 2023, le général Mamadou Tarka Di Abou. Vous voulez qu'on réponde à ça? Quel Voilà un pays commentaire vous pauvre. inspire cette déclaration, Voilà un pays pauvre, très pauvre, dont la seule richesse souveraine est pillée par ceux qu'il appelle ses amis de la chancellerie. Doit rappeler à ce monsieur les indicateurs économiques de son pays. Vous voyez pourquoi nous, les panafricanistes, il y a certains débats que nous n'allons plus faire. Voilà un militaire qui n'arrive pas à comprendre que les menaces qui pèsent sur le Mali et sur le Burkina Faso pèsent sur son propre pays. Voilà un monsieur qui n'arrive pas à comprendre que le partenaire avec qui aujourd'hui il explique que je m'entends très bien, moi je suis en sécurité, eux ils auront des problèmes parce qu'ils ont déconstruit leur alliance avec ce partenaire. Mais on déconstruit une alliance quand elle ne marche pas. On ne déconstruit pas quelque chose qui marche. On déconstruit une alliance quand elle ne marche pas. Qu'est-ce qu'il fallait faire? 60% du territoire malien était entre les mains des djihadistes. Avec le partenaire, avec son partenaire, dont il explique que c'est le bon partenaire avec la France. Quand elle arrive en 2011, il y a 10%. Il est prouvé, démontré aujourd'hui qu'elle était partenaire des djihadistes. Et il prédit malheur à ce pays, mais lui prédit bonheur à son pays parce qu'il accepte être lui, général, incapable lui de sécuriser son pays, d'être c'est-à-dire que une colonne d'attache à la France. Question, le Niger est sécurisé? C'est une question. Non, il faut poser la question au général, il nous suit. Nous demandons est-ce que le Niger est un pays sécurisé dans le domaine du djihadisme? Il va certainement nous répondre à un de ces quatre matières. Non, mais on sera obligé de contacter ce monsieur. Tout à fait. Pour avoir un véritable débat, qu'on ne dise pas qu'on a organisé ici, là, une campagne de léchage contre lui. Nous souhaiterons même avoir des recettes. Le pays n'est pas sécurisé. Toutes les bases militaires occidentales ont pu au Niger. Toutes les bases militaires. Vous ne souvenez pas l'image du président Déby, de tous ces présidents de la CDAO, venus à l'enterrement des centaines de militaires nigériens qui avaient été exécutés et assassinés? Monsieur Macron n'y était pas. Son ami, son allié, celui sur qui il fonde espoir. Celui-ci qui confie sa sécurité. Monsieur Macron n'y était pas. Le Niger a perdu une centaine de militaires. C'est un problème. Et nous avons souvent parlé, même ici dans nos armées, dans nos pays, de deux types de militaires. Il y a des militaires patriotes, jeunes, qui croient au métier des armes, qui aiment l'armée, qui agissent avec honneur et fidélité, qui sont patriotes, panafricanistes, qu'il soit officier ou homme de troupe ou soldat de troupe. Et puis il y a une minorité de ce qu'on appelle les militaires coloniaux tropicaux, des officiers tropicaux formés à Saint-Cyr, qui font des stages à Saint-Cyr, qui sont encadrés par des officiers français. Un pays dont, monsieur, excusez-moi de vous poser la question, ce pays a déjà gagné quelle guerre? Battu en Indochine, laminé en Algérie, chassé du Cameroun par les nationalistes, chassé de l'Angola par le MPLA. Mais ils sont encadrés par ce type d'officiers qui ne comprennent même pas le sens et la problématique de la question sécuritaire au sein de la CEDEAO. Ce monsieur ne sait pas pourquoi aujourd'hui la CEDEAO et une bonne partie de son espace est en proie au djihadisme. Il ne sait même pas. Il explique, lui, que le fait que le Mali ait rompu ses relations sur le plan stratégique avec la France et que le Burkina Faso décide d'emboîter le pas, eh bien, ce sont les pays à qui il prédit un réveil douloureux. Voilà cette expression. Un réveil douloureux. Moi, je ne veux pas commenter plus longtemps cette histoire. Merci. Tôt ou tard, les Nigériens, les vrais Nigériens, l'armée nigérienne qui souffre dans sa chair, ils comprendront qu'ils n'ont pas à voir ce genre de monsieur à leur tête. Ils prendront certainement leurs responsabilités. Nous, nous n'en parlons pas au coup d'État. Mais on constate un coup d'État. Vous savez, on s'est levé un matin ici, on a appris coup de feu à Khartoum. Vous saviez qu'il y avait un coup de feu à Khartoum? Personne. On s'est levé un matin, coup de feu à Khartoum. On ne peut voir rien, prédire rien. Mais nous disons à ce monsieur, il risque d'être réfugié avant la fin de cette année, peut-être à Paris. Ils aiment Paris. Ils sont à Paris. François Compaoré, vous savez où il est? À Paris. Et vous savez pourquoi il est à Paris? Il refuse de venir répondre à une question d'un juge d'instruction au Burkina Faso. Il a passé sa vie à crier que la justice du Burkina Faso était indépendante, que c'est une bonne justice. Monsieur Zongo a été assassiné sauvagement. On le soupçonne, lui, d'être impliqué. Et la bonne justice du Burkina Faso indépendant lui demande: venez avec vos éléments et vos avocats, nous avons quelques questions. Il est à Paris. Il ne veut plus venir répondre. Il est couché à Paris. Ne souhaitons pas ça à ce général. C'est quand même un général. Il est général. D'accord. Il est un haut gradé. Mais disons à ce monsieur de s'occuper de ses oignons, de s'occuper de la sécurité de son pays. Monsieur Goïta n'a pas besoin de ses conseils. Il rira bien qu'il rira le dernier. Afrique Média, le monde, c'est nous.